Voilà, ces photos, c'est un bel. Ces photos, ces images, c'est un bel. Les gens, surtout maintenant qu'il y a ces réseaux sociaux, là, tout ce qui est Twitter, Facebook, même des gens qui étaient contre le tasawwuf, maintenant ils s'installent, ils mettent tous des photos partout. Ils cherchent des fatwas de ulama, ils sont tous photographiés, tous maintenant. Pour n'importe quoi, même une fatwa la plus minime de n'importe quel sujet, il est obligé, il faut qu'on le filme. Il a remis le diplôme, il faut qu'on le filme. Il vient, il a fait une action, une sadaqa, il faut qu'on le filme. Quoi? Et ça, on crée une situation là-dedans. Tout ce qu'ils font maintenant, il faut qu'ils soient photographiés ou filmés. Et maintenant, pire que photographie, maintenant, même des frères, des salafis, te mettent des photos de femmes, visage découvert, pour les plus gentils, d'autres mettent même des photos de kafirat, même des frères salafis, ils vont te mettre, je sais pas moi, un débat télévisé, tu vas voir la présentatrice, elle est là. Tête découverte, maquillée, elle est là, et le frère, il met ça, genre, elle a pris fin de ta'aliq, comme si, ouais, il a dit une parole qui était véridique. Allah yakul wa kulli mu'minin yaruddu min absarihim. Il dit, croyant qu'il va se regarder, toi, tu mets une photo d'une femme, une vidéo d'une femme dévoilée, mutabar déjà, devant tout le monde. Et je sais pas, on dirait que c'est devenu halal pour eux. On dirait que là, c'est Twitter, c'est devenu, tu sais, c'est un nouveau mufti, qui te rend les choses halal. Facebook, ça te rend les choses halal. C'est un bel, mon frère, c'est Audubillah. Et je parle de frère Salafi, je ne parle même pas des autres. Des gens Salafi qui, à la base, connaissent le hukm du tasawwuf. Ou alors, tu trouves une photo d'un savant qui dit, ouais, les photos, c'est permis, si, c'est une photo de souvenir, elle n'est pas accrochée au mur, ou quoi, ça, ou quoi, ça. Nabi Salam, quand elle moussawirun, la'anallah moussawirin. Il n'y a pas d'exception. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont, ces gens-là. Ils sortent des massas, ils dalil. Et dès qu'ils ont une photo qui leur vient, hop, Shirantel, il a dit qu'il y a un torsil. C'est quoi le torsil? C'est quoi le torsil? Où est-ce qu'il y a un dalil pour le torsil? Dans sous le firq, on a dit, même après dans les masaïl al-fiqhiyya, quand elle y rentre dans un mot, ça veut dire quoi? L'umum. C'est-à-dire c'est général. Tout ce qui est dans ce mot-là, il a compris. Est-ce que maintenant on a une chose qui sort, l'umum, un tarsis? On n'en a pas. Donc pourquoi vous sortez un tarsis de vos têtes? Il n'y a pas de tarsis. C'est ça, suivre le texte. Ça, c'est adjib comment les gens y sont. T'as un savant, il t'a fait une chienne, il dit, ouais, c'est un truc qui a été fait par la main. Ça n'a pas été fait à la main, on va dire. Et où est-ce qu'on, Nabi Salam, il a dit que ce soit fait par la main ou par un appareil? Il a dit, soura, tasouir. Alors, à ce moment-là, ça s'appelle Minasma'i al-Moussawir. Adam al-Afalihi, ça s'appelle Moussawir. Donc, même demain, tu viens avec un crayon, tu fais une image, t'es un Moussawir. Demain, tu prends un appareil photo, tu fais un tasouir avec ton portable, t'es un Moussawir. T'es le même nom. Wa qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la'ana Allah al-Moussawirin. Que Allah l'a maudit le Moussawirin. Est-ce qu'il y a un ishkal là-dedans ou est-ce que c'est clair? Je ne sais pas pourquoi s'ils vont chercher midi à 14h, comme on dit. Si c'est avec un appareil, on a le droit. Ça s'appelle une sourah ou pas? Oui, ça s'appelle une sourah, khalas. Nabi Salam a ordonné qu'on coupe les têtes dans un sourah. Et la sourah, c'est la tête. Il a dit à Ali, là, t'as trouvé une sourah, il est un mastahar. Il laisse pas une image où tu l'effaces. Donc, est-ce qu'il a dit comment l'image doit être ou pas être? L'image, est-ce qu'il contient une âme? D'autres adilés sont venus l'expliquer. Est-ce qu'il n'y a pas d'âme? Ma vigé. Est-ce qu'il y a une âme? C'est interdit. Que ce soit vidéo, que ce soit appareil photo, que ce soit un crayon à la main, que ce soit graphisme informatique, ce que tu veux, ça s'appelle tasawwur. Et c'est le même jugement pour tout. Il n'y a pas de tafsir, il n'existe pas de tafsir. Le tafsir qui existe, c'est un alim qui a fait une chiette de lui, il l'a vu, mais il n'a pas de dalil dans ce qu'il dit. Il n'a rien, un hadith, pour te dire que non, là-dessus, on peut faire exception. Pourquoi? C'est quoi le dalil qui sort du umum? Il n'en a pas. J'ai jamais vu un alim qui autorisait le tasawwur, j'ai regardé leurs avis, qui a un dalil, il n'y en a pas un seul. Ils font un tafsir, tout le tafsir, il est bâti sur un ijtihad. Il n'y a pas de dalil. Ils n'ont pas un hadith qui dit, ouais, mais dans ce hadith, on comprend. Il n'y a pas de hadith, il n'y a rien du tout. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas, tu parles, ils n'en ont pas. C'est pour cela que celui qui dit que c'est haram mutlaqan, c'est lui qui a raison. Car lui, à la base, il a un dalil de tahrim, il n'a pas de tarsis, rien qui spécifie. Ça, c'est exception. Ça, c'est exception. Il n'y en a pas d'exception. À part dans la daroura, comme les papiers d'identité, parce que là, on n'a pas le choix. On te force à les faire. Là, le péché, il est sur qui? Sur le gouvernement qui te force. Soit tu n'as pas de péché. Et le reste, t'as pas. Sur Twitter, c'est quoi la daroura? Tu mets ta photo de Fulani, du Alim Fulani. Il y en a, Cheikh Al-Albani, il écoute tes photos, il met sa photo quand même. C'est-à-dire, même Cheikh Al-Albani, il ne respecte pas. Même on dit qu'elle serait halal. On dit que c'est halal. Il ne veut pas que tu mettes sa photo. Il met sa photo. Cheikh Ben Bess, pareil. Il ne veut pas. Il met sa photo. C'est quoi? C'est Istizab Bil-Alim. Après, on dit oui, on est savant. Il te dit qu'il ne veut pas que tu mettes sa photo, tu mets sa photo quand même. C'est ajib, ça. Non? Et toi, du alim, ou bien alim dans le ma'rouf, dans ce qui est vrai, c'est obligatoire. Le alim, qu'a fait que Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhallazina amanu, atti'u Allah, wa atti'u Rasul, wa ulil amr minkum. Obéissez à Allah, obéissez à son messager, et au détenteur du pouvoir. Et les ulama, ils ont dit que les gens de tafsir, ils disent que les ulama, ils rentrent dans ce verset-là. c'est-à-dire les gens du commandement, les autorités, les ulama. Dans quoi? Dans ce qui est haq. Si le alim, il donne un ordre, une fatwa sur un dalil, tu dois obéir. On doit obéir. Là, il te dit, je veux pas que tu mettes ma photo. Même on dit que c'est permis. C'est son haq à lui, il veut pas que tu mettes sa photo. Il la met quand même à Touva. Alors que dire si ce alim, on peut dire que c'est haram, à la base, que ce soit lui ou un autre. Et après, ils disent, ouais, kibar, kibar, ulama. Vous vous moquez de qui? Ça, c'est istiza, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est purement de la moquerie. À la fois, c'est une parenthèse par rapport, parce que franchement, ces images-là, ils t'empêchent les anges de rentrer chez toi. Tu ouvres ton téléphone portable pour voir un truc, tu vois un barbu avec sa robe là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je veux une fatwa sur un sujet juste, quelques lignes, il faut qu'il ait sa tête et sa photo. Je veux pas sa tête et sa photo. Ou alors, tu vas trouver une femme. Tu vas sur le compte d'un frère salafi, tu vas regarder un truc, tu vas trouver une femme. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Pourtant, le frère, je le connais, c'est un frère salafi, kaza et kaza. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? C'est moi, non? Bon, après, on peut au conseil, nous, tu vois, on conseille, en privé, on dit à quelqu'un-là, Majous, Kaza, Kaza, dis ouais, ça, c'est vrai, et après, tu vois, malgré tout, il laisse. C'est une fois que tu as fait ta nasiha, tu as fait ton travail. Mais tu as adjabin hada. Des gens qui disent salafi, je suis le dalil, je suis le haq, et malgré ça, tu vois qu'ils jouent, je sais pas ce qu'ils font. Allah alam. Salallahu alayhi wa sallam. Qala al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam li Ali, wa radiallahu anhu. La tada' suratan. Il est Tamastaha. Qu'il est dit à Ali, ne laisse pas une image, c'est-à-dire qu'il y a un ruh, zat al-ruh, qui est une image qui, d'un être doté d'une âme, sans que tu ne l'effaces. Toi, on dit que tu as un fils, dans sa chambre, Nassalan, tu vois une photo, et après dans son portable, tu vois une photo, tu vois dans son ordinateur, et tu vois des photos. Qu'est-ce que tu fais? Je les efface déjà. Tu les effaces? Les photos? Ouais, pourquoi? Bah, c'est haram. On a vu dans le hadith. Et là, base-toi sur l'exemple. Naam, quel hadith? C'était juste avant. Aïwa, c'est quoi le hadith? Bah, tu ne laisses pas une surah sans que tu l'effaces. Naam, et c'est quoi le wajh dalala? Là, c'est pas les mêmes. Là, c'est des. C'est dans le PC, c'est une vidéo. Dans le portable, c'est une photo. Et sur le mur, c'est un dessin. Là, c'est une surah. Tous, c'est une surah. Tous, c'est une surah. Donc, tous, ils doivent être supprimés. C'est pas certain que tu fais et d'autres, tu délaisses. Pourquoi? Pourquoi tu fais pas de différence? Parce que tous, c'est des surahs. Même si c'est fait à la main, avec un appareil, ou si c'est des vidéos. Mais par rapport au hadith, c'est quoi la règle? Ah, non, je vais c'est... Tu peux répéter le hadith? La tadoa suratan illa tamastaha. Alors, quand il y a un mot qui vient après, c'est quoi déjà? Là, t'en as. C'est comme il y a qu'un amour et un mystère. Je m'en rappelle plus, c'est quoi? Là. Ah bon? T'as confondu. Ok, je m'en. Là, t'en as suratan. Là, t'en as suratan, il est tamastaha. Ok, ça englobe toutes les surahs, ça. Pourquoi? Là, t'en as suratan. En arabe, je sais plus comment. قلنا أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط يفيد العموم. Un mot indéfini dans une phrase de négation, d'interdiction, d'interrogation ou de condition, c'est un sens de généralité. C'est-à-dire toute image. Donc ça, ce hadith à lui tout seul, c'est un rod à ceux qui font une différence entre certaines images. Ce hadith tout seul, sans compter les autres. Ahmed. Il a dit Soura, donc il n'y a pas de différence entre celle qui est dans le PC, celle qui c'est une photo de Kaza Kaza. Dans la même série, tu vois une Soura de Mariam avec Isa, alayhi salam. Les chrétiens mariés Jésus. Et tu vois une photo d'un savant salafi. Qu'est-ce que tu fais? Je fais tout. Le tout? Non. Ça s'avance à la fille. C'est comme... Les autres, d'accord, c'est du shirk. Ils adorent Issa et sa mère. Mais lui, ça s'avance à la fille, il n'est pas adoré. Non, c'est haram. Pourquoi c'est haram? Toutes les surahs, il y en a là, il fait de la monde, toutes les surahs. Aïe. Que ce soit un savant, salafi. Pas mal. Que ce soit surah de Mariam, de Issa, même de Bouddha, de qui tu veux, même si tu n'adores pas la surah, le hadith, il est... Et ça revient à la règle du début que la religion n'entendait pas une chose, c'est il y a une masalih amma derrière. Toi, tu peux te dire, moi, je ne vais pas adorer la surah. Même si tu ne l'adores pas, tu l'effaces quand même. Arsène. Donc là, c'est vrai que tu vois, ces règles-là, quand on les connaît, normalement, elles sont claires. Elles sont claires. Puis après ça, tu n'as pas à faire un tafsil dans les sourates. Il n'y a pas de tafsil, la règle, tu la connais. Et tu en as d'autres encore. Masalan, elle, s'il rentre dans le jam, kazalik, yufidu l'umum. La'an Allah al-musawwirin, c'est-à-dire kulli al-musawwirin. Tous. En réalité, tous ceux qui font les sourates. طيب